on la ferme, il fait chaud, si on l'ouvre, il y a du bruit, je sais pas. C'est un dilemme dont je ne saurais sortir. Côté c'est mieux, on ferme pas la frappe au bruit. Vas-y. Allez, je me donne un achat là, depuis tout à l'heure, il est ouf. Bismillah. Donc nous étions arrivés au verset 15 de la sourate Al-Fajr. Donc déjà on observe que dans les versets précédents, les derniers versets qu'on a expliqués, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de communauté, de peuple qu'il a châtié dans les temps précédents. Et après avoir parlé des peuples, il passe à l'être humain seul, en tant que djinns, c'est-à-dire en tant que genre, le genre humain. Donc il parle de l'individu, de l'être humain, en disant فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنَ. Donc quant à l'être humain, lorsque son Seigneur l'éprouve, فَأَكْرَمَهُ, et qu'il l'honore, c'est-à-dire il l'éprouve en l'honorant, وَنَعَمَهُ, et en lui donnant ses ni'am. Donc quand Allah éprouve l'être humain, il faut fermer la porte. Ouais. Quand Allah éprouve l'être humain en l'honorant, donc déjà on en comprend dès le début de ce verset, on peut déjà retirer que le fait qu'Allah donne al-karam, une place honorable, une position honorable à l'être humain, et qu'il lui donne ses ni'am, c'est-à-dire ses bienfaits, fa'akramahu wa na'amahu, qu'est-ce qu'il dit juste avant? Idha btalahu, c'est une épreuve de la part d'Allah. Et l'être humain réussit l'épreuve si il se montre reconnaissant envers Allah. Donc l'épreuve n'est pas seulement dans le mal, mais elle est aussi dans le bien. Donc lorsque son Seigneur l'éprouve, qu'il l'honore et lui donne ses bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Rabbi akraman. Dans quel sens il le dit? Pas dans le sens où il raconte les bienfaits d'Allah. Parce que si quelqu'un disait cela en voulant par là appliquer la parole d'Allah, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, ou plutôt وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, c'est-à-dire les bienfaits de ton Seigneur, parle-en, dans ce sens-là, il n'y aurait pas de mal à dire Rabbi akramani. Mais le contexte du verset, il nous montre que ce n'est pas ça qui est voulu ici. Ce qui est voulu ici, c'est que ça parle de l'être humain, et donc de quel être humain? Soit du kafir, c'est-à-dire celui qui ne croit ni en Allah ni au jour dernier, ou alors du mu'min dont la foi est faible. Les deux sont compris dans ce verset. C'est-à-dire que le mu'min dont la foi n'est pas complète peut tomber dans ce genre de travers également. Donc lorsqu'Allah l'honore, lorsqu'Allah le comble de ce bienfait, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il croit que le fait qu'il reçoit de la part d'Allah la richesse, la santé, les enfants, etc., ça veut dire qu'auprès d'Allah il est « karim », qu'il a une place honorable auprès d'Allah. Donc il pense que le fait de recevoir des bienfaits est un signe d'avoir une bonne position auprès d'Allah. Et à l'inverse, dans le verset d'après, Allah dit « Wa amma idha mabtalahu » et lorsqu'il l'éprouve « Faqadara alayhi rizqahu » et qu'il lui resserre son rizq. Rizq, c'est-à-dire ce qu'il lui donne, ses donations, les donations divines. Donc « qadara » ici signifie Bayaka. Qadara, il peut vouloir dire, souvent on connaît le verbe qadara dans le sens de qadara, c'est-à-dire prédestiné, destiné ou déterminé quelque chose. Mais qadara veut dire aussi serré. C'est pour ça que certains ont expliqué le hadith Soumou li ru'yatihi ou aftiru li ru'yatihi fa in rumma alaykum faqdiru, ou plutôt faqduru. Le hadith qui parle du jeûne, quand est-ce qu'on commence le mois de Ramadan, le hadith dit jeûnez quand vous voyez la lune, et si les nuages vous empêchent de les voir, uqduru lahu. Certains l'ont expliqué en disant serrez le mois de Sha'ban. Uqduru dans le sens, non pas dans le sens mesurer Ramadan, évaluez-le en disant que Sha'ban est de 30 jours, ça c'est la majorité des savants qui disent ça. Et l'autre dit Okduru dans le sens serré Sha'ban, faites-en 29 jours et jeûnez le lendemain par précaution. Tout ça, je vous explique ça, c'est pour qu'on comprenne Qadara. Donc lorsqu'Allah lui resserre ses donations, Fayaqulu Rabbi Ahanan, Yani ahanani. Il dit, mon Seigneur m'a rabaissé, mon Seigneur m'a avili, mon Seigneur m'a humilié. Donc il croit que le fait de recevoir peu de donations, d'être pauvre, d'être malade, etc., c'est-à-dire de subir des malheurs ici-bas, il pense que ça c'est un signe d'avilissement de la part d'Allah. Et que c'est un signe qu'il a une basse position et une place qui n'est pas honorable auprès d'Allah. Et qu'il n'a pas une grande valeur auprès d'Allah. Et tout ça c'est une fausse compréhension. C'est une fausse croyance. Donc ça c'était la croyance notamment des gens de la Jahiliya, de Quraysh et autres, qui considéraient que comme ils étaient riches, ça montrait qu'ils avaient une grande place auprès d'Allah. Que ça c'était l'honneur qu'Allah leur faisait parce qu'ils avaient une grande place auprès de lui. Et c'est toujours la croyance de beaucoup d'êtres humains et même de certains groupes religieux. C'est carrément leur croyance, leur dogme. Donc, quelle est la position du vrai croyant dans ce sujet ? Eh bien, c'est que lorsqu'Allah l'honore ou lorsqu'Allah lui resserre ses donations, dans les deux cas, il comprend que c'est « Iza mabtalahu » que c'est une épreuve de la part d'Allah. Donc c'est ni un signe qu'Allah l'honore, ni un signe qu'Allah l'humilie. Mais c'est simplement une épreuve. Comment réussir l'épreuve, comme on va souvent répéter, si c'est du bien, eh bien c'est en se montrant reconnaissant envers Allah, et si c'est un mal, c'est en se montrant patient, et en espérant la récompense d'Allah pour ce malheur qui le touche. Ensuite Allah dit, dans le verset suivant, « Kalla balla tukrimun al-yatim » Non, mais vous n'honorez pas l'orphelin. Donc, quel est le rapport entre ce nom et ce qui suit ? Vous ne renommerez pas l'orphelin et les versets précédents. Kalla, c'est-à-dire pour le mot kalla ici, il balaye cette fausse croyance qui a été citée juste avant, dans les deux versets précédents. Et c'est comme si, quelque part, le verset nous disait le fait que vous soyez avili par Allah, al-ihana, le fait que quelqu'un puisse être avili ou avoir une position vile auprès d'Allah, ce n'est ni sa richesse ni sa pauvreté, mais c'est ce qui suit. Bal la tukrimun al-yatim. C'est ça qui vous avilit. C'est que vous n'honorez pas l'orphelin. Et les autres versets qui suivent ensuite. Donc c'est ça qui fait que l'être humain est avili auprès d'Allah et qu'il baisse de valeur auprès d'Allah. Mais non pas sa position sociale ou sa richesse. Kalla bal la tukrimun al-yatim. Donc vous n'honorez pas l'orphelin. Là c'est un reproche qu'Allah fait à l'être humain. Donc il demandait à l'être humain de faire ikram al-yatim. Et qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, il n'y a pas de différence. Il est demandé de faire ikram al-yatim, c'est-à-dire d'honorer l'orphelin, d'être bon envers lui, de se montrer généreux et bienfaisant envers lui, de l'aider. Pourquoi ? Pour compenser la tristesse qu'il a subie dans son enfance. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Et vous ne vous recommandez pas mutuellement de nourrir le pauvre. C'est-à-dire, vous ne nourrissez pas les pauvres et vous ne vous encouragez pas non plus les uns les autres à nourrir les pauvres. Donc, ça prouve qu'il est demandé du musulman, et c'est une des qualités du croyant, de donner à manger aux pauvres. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا Et vous mangez l'héritage أَكْلًا لَمَّا Ibn Abbas disait لَمَّا شَدِيدًا أَكْلًا شَدِيدًا C'est-à-dire, vous mangez l'héritage de façon شَدِيد, c'est-à-dire fortement. Que veut dire vous mangez les héritages vous mangez avec avidité les héritages, c'est-à-dire que, comme c'était le cas dans la Jahiliya par exemple, ça a plusieurs cas de figure, on peut l'expliquer de plusieurs façons. Par exemple, dans la Jahiliya, les Arabes ne faisaient pas hériter les femmes ni les enfants. Ils profitaient du fait que la femme et l'enfant ne pouvaient pas se défendre, et donc ils s'accaparaient l'héritage de la personne, du défunt. Donc, ça signifie que l'être humain, ou beaucoup d'entre eux, par nature, ils se jettent sur les héritages. Sans regarder ce qui en est licite et ce qui en est illicite. C'est-à-dire, est-ce que les biens déjà en eux-mêmes que cette personne a laissés, est-ce qu'elles sont licites ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a volé, qu'il a arnaqué, qu'il s'est accaparé injustement? Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de prendre cet héritage. Si je sais que le défunt, ses terres, il les a prise injustement à quelqu'un, je me dis pas, c'est lui qui a fait le péché. Non, parce que ces terres, elles appartiennent à quelqu'un à la base. Elles doivent être rendues à leur propriétaire originel. Donc, parfois, c'est le bien en lui-même qui peut être interdit. Parfois, ça peut être le qisma, c'est-à-dire la façon dont on partage l'héritage qui est interdite. Mais l'être humain, il ne fait pas attention. Il sait que sa sœur, on l'a mise de côté, mais c'est pas grave, il ferme les yeux et il prend. tellement il aime les biens. Et il y a beaucoup d'autres façons de manger les héritages de cette façon. Il y a une autre façon également, mais ça malheureusement ça arrive aussi par ignorance. Il faut savoir que quand quelqu'un il meurt, c'est pas tout de suite qu'on distribue son héritage. Il faut regarder plusieurs choses. Est-ce qu'il avait des dettes? S'il avait des dettes, on doit d'abord prendre de sa fortune, de ce qu'il a laissé, de quoi payer ses dettes. Est-ce qu'il a fait le hajj? S'il n'a pas fait le hajj, alors qu'il avait l'argent nécessaire, qu'il soit physiquement capable de le faire ou pas. Parce que s'il était physiquement incapable de le faire, il devait payer quelqu'un pour le faire à sa place. S'il était physiquement capable de le faire, c'est-à-dire qu'il l'a retardé alors qu'il devait le faire. Dans les deux cas, on doit prendre de l'argent de ce qu'il a laissé pour payer quelqu'un qu'il fasse le pèlerinage à sa place. Et quand on dit payer quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui paye la formule du hajj, plus de quoi manger, etc. là-bas. L'argent de quoi vivre pendant son séjour là-bas. Etc. etc. Est-ce qu'il avait un nadar? Est-ce que par exemple il a dit je fais le vœu de donner 300 euros aux pauvres? Bien, s'il a fait le vœu, on doit sortir ce vœu avant de partager son héritage. Est-ce que la date de la zakat était passée? Par exemple, il doit la zakat le 10 de Safar. Il meurt le 11 de Safar. Le 11 de Safar, on ne se jette pas sur son héritage. D'abord, comme un an est passé et qu'il a retardé de donner sa zakat d'un jour, on prend sa zakat de l'héritage et on la donne à sa place. Billahi alaykoum, est-ce que les gens ils font tout ça maintenant? En tout cas, moi j'ai jamais entendu que les gens ils font ça. Ils se jettent sur l'héritage, un point c'est tout. En confirmation de ce qui est écrit dans ce verset. Le verset suivant dit وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ جَمَّ يَعْنِي كَثِيرًا شَدِيدًا. Et vous aimez les biens حُبَّنْ جَمَّ, d'un grand amour, d'un amour immense. Donc tout ça ce sont des reproches qui sont faits à l'être humain. Donc l'être humain, le reproche qui lui est fait d'aimer les biens, il n'est pas dans le fait d'aimer les biens en soi-même. Puisqu'Allah nous avait dit dans le Coran, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زينا, c'est-à-dire que c'est Allah qui a embelli ces choses-là à l'être humain, les choses de la vie d'ici-bas. Donc c'est dans sa nature d'aimer les biens. Donc en soi-même, ça ne lui est pas reproché. Ce qui lui est reproché, حُبَّنْ جَمَّ, c'est de dépasser les limites dans l'amour des biens et de tout ce qui précède. De ne pas partager avec les pauvres, de manger l'héritage, c'est-à-dire de dépasser la limite en ce qui concerne l'attachement aux biens matériels. Ensuite, Allah dit dans le verset suivant, encore une fois, Kalla. À chaque fois, qu'est-ce qu'on comprend de ce Kalla? Kalla, c'est un mot qui est court, mais en fait, on en comprend beaucoup de choses. C'est-à-dire, Kalla, c'est comme si Allah nous disait, vous êtes plongé dans la vie d'ici-bas, mais Kalla, idha dukkatil ardu, dakkan dakka. Quand la terre sera pulvérisée. Pulvérisée au point où elle sera complètement aplanée et qu'elle n'aura plus de. Il n'y aura plus de relief, il n'y aura plus de montagne. Donc c'est comme si, dans le sens où, là maintenant, vous êtes plongé dans tout ça, mais il viendra un jour où tout ça sera derrière vous. La terre sera pulvérisée. Donc, dakkan dakka, c'est pour insister. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Et ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, saffan saffan. Saffan, ça veut dire en rang. Et le fait qu'Allah répète safa, c'est-à-dire safan, safan, c'est-à-dire saf, ba'da saf. Donc, que veut dire le fait qu'Allah viendra? Eh bien, les savants musulmans l'ont pris tel qu'il est écrit. C'est-à-dire qu'on doit y croire sans chercher à l'interpréter, sans chercher à le décrire. Allah viendra pour juger les êtres humains. Comment? Allahu a'lam. Comme on n'a pas vu Allah, on ne peut pas dire comment il viendra, et on doit simplement y croire tel que c'est écrit. Donc ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, saffan saffa, c'est-à-dire que les anges descendront ciel après ciel, du premier ciel, du deuxième ciel, du troisième ciel, en rang. Et ils entoureront donc les créatures sur la place de la résurrection. Waji'a yawma idhin bi jahannam. Et ce jour-là, on amènera la géhenne, on amènera l'enfer. Et comme il est cité dans des hadiths, elle sera traînée par 70 000 chaînes, dont chaque chaîne est tenue par 70 000 anges. Donc imaginez-vous, ici, la scène qui nous est décrite. C'est-à-dire les anges qui descendent, la terre qui est complètement aplanie, et tous les êtres humains verront qu'on amène vers eux l'enfer. Yaouma idhin, ce jour-là, yatadhakkaru l'insan, l'être humain se rappellera. C'est-à-dire au moment où il verra tout ça, il se rappellera de ce que les prophètes lui disaient, ici-bas. Il se rappellera qu'il avait bel et bien entendu qu'il fallait obéir à Allah, qu'il avait bel et bien entendu qu'il existait le paradis et qu'il existait un enfer. Il se rappellera qu'il avait bel et bien entendu que les gens allaient avoir une deuxième vie, une vie éternelle. Yatadhakkaru l'insanu wa anna lahu dhikra. Mais à quoi lui sert-il de se rappeler? C'est-à-dire que là, il est trop tard pour lui de se rappeler. Il faut qu'il s'en rappelle ici-bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a entendu tout ça, il faut qu'il s'en rappelle et qu'il agisse en conséquence. Ce jour-là, face au fait accompli, wa anna lahu dhikra. Il sera trop tard et il ne lui servira plus à rien de s'en rappeler. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Et là, il dira, malheur à moi si seulement j'avais qaddamtu. Qaddama, c'est comme avancer quelque chose. Li hayati, pour ma vie. C'est-à-dire qu'il comprendra à ce moment-là que sa vie précédente, ce n'est pas une vie par rapport à la vie qui l'attend. Et que la vraie vie entre les deux, c'est la deuxième. C'est celle qui n'aura pas de fin. Donc regardez comment il dit « li hayati ». Pourtant, il a déjà eu une vie. C'est comme s'il ne la considérait pas. Et qu'il comprenait maintenant que c'est là la vraie vie. C'est là que ça commence. Donc il dira « si seulement j'avais devancé quelque chose pour ma vraie vie ». C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait pu avancer pour sa vraie vie ? La foi, l'iman, wal-amal salih, et les bonnes œuvres. C'est ça qu'il peut avancer pour sa vraie vie. فَيَوْمَ إِذِنْ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Ce jour-là, nul ne châtira comme lui. لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ, c'est-à-dire كَعَذَابِهِ أَحَدٌ. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire ce jour-là, il n'y a personne qui va punir comme Allah punit? Non, parce que ce jour-là, il n'y a qu'Allah qui punit de toute façon. Ça signifie ce jour-là, Allah punira d'une façon dont nul ne le fait ici-bas. Nul ne punit comme Allah punit. Et sa punition sera, cette punition dont on parle, que, c'est-à-dire qui est incomparable, sera Yawma Idin, ce jour-là. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Et nul ne liera, الوثاق, c'est le fait de lier quelqu'un, comme il le fait. C'est-à-dire Allah les liera, les attachera, comme personne ne l'a jamais fait dans la vie d'ici-bas. Personne ne l'a jamais fait à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est deux versets qui doivent nous faire, mais quand on se les rappelle, ça doit nous pousser à craindre et à œuvrer, à penser que le châtiment, on ne peut même pas le concevoir. Et la façon dont ils seront attachés, on ne peut même pas la concevoir. Et ensuite, Allah parle de l'âme croyante, c'est-à-dire de l'extrême opposé, en disant « Ya ayyatuha nafsu al-mutma'inna »« Ô âme, ô toi l'âme sereine. » C'est-à-dire qu'on dira à l'âme sereine, Ya ayyatuha nafsu al-mutma'inna. Que veut dire l'âme sereine? Il y a beaucoup de, chez les salafs, il y a beaucoup d'explications, mais qui reviennent toutes au même sens. Sereine dans le sens où elle avait l'iman. Sereine par l'iman, c'est-à-dire qu'elle avait foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa promesse. Sereine parce qu'elle était sûre de la promesse d'Allah. Sereine parce qu'elle avait al-khashya, c'est-à-dire la crainte, le recueillement devant Allah. Et effectivement, le mu'min, quand il a la foi complète, il est serein. Quoi qu'il puisse lui arriver ici-bas, de bien ou de mal, il trouve de la sérénité dans sa foi. Donc, à qui est-ce que sera adressé ce genre de parole? À celui qui a atteint ce stade qui est at-tuma'nina fil iman, c'est-à-dire la certitude et la sérénité dans la foi. Donc, celui-là, quand il meurt, ou au jour du jugement. C'est-à-dire que cette parole ici, elle est vraie au jour du jugement. Et il est rapporté de certains salafs, certains exégètes, que ça sera dit à l'être humain quand on lui retirera son âme. C'est-à-dire quand les anges lui retirent son âme, bien sûr aux croyants, aux vrais croyants, ils lui disent cette parole. Ô toi l'âme sereine, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Reviens vers ton Seigneur, radiya, satisfaite, mardiya. Et, ça le mardiya, c'est-à-dire... Et toi aussi, tu fais l'objet de la satisfaction. C'est-à-dire, tu seras satisfaite à partir de maintenant, Il n'y a plus de malheur, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'angoisse. Maintenant, oui. Allah va te satisfaire, il va te donner tout pour te satisfaire. Mardiya. Et toi également, tu fais l'objet de la satisfaction d'Allah. Donc, il n'y a pas une plus grande félicitation que celle-là. Quand il meurt, il reçoit ces deux paroles. Il sait que maintenant, il est tranquille et qu'en plus, Allah est satisfait de lui. Fadkhuli fi ibadi, entre donc parmi mes serviteurs, wadkhuli jannati, et entre dans mon paradis. C'est-à-dire qu'Allah lui dit, entre maintenant parmi, tout est semblable parmi les serviteurs d'Allah pieux, et entre dans mon paradis. Pourquoi pas simplement al-jannah, ici jannati, mon paradis, pour exprimer une proximité entre l'être humain et Allah, et pour exprimer aussi la position qu'a le paradis auprès d'Allah. Allah l'a appelé mon paradis. Donc on a fini avec la surat al-Fajr. Donc bien sûr, en dehors du cours du tafsir, pour ceux qui peuvent lire l'arabe, je vous conseille toujours de lire, je vous rappelle quelques références. Cheikh Al-Faymi, rahimahullah, son tafsir, c'est parmi les meilleurs tafsirs qui existent. Pourquoi ? Parce qu'il est simple et il donne tout le sens de façon très simple. Il va droit au but. Tout le monde peut le comprendre. Le tafsir du Cheikh Abdelrahman Al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, qui est un tafsir simplifié, mais qui n'est pas sans difficulté, parce que le Cheikh ne s'attarde pas à expliquer les mots. Donc il est simple du point de vue de l'explication, mais les mots, malheureusement, il les explique peu. Ce qu'on appelle Gharib al-Qur'an. Les mots difficiles du Qur'an, il ne les explique pas. Vous avez besoin d'un autre livre, ou d'un autre cours, ou d'une autre référence pour les expliquer. Par contre, la particularité des deux, de l'Husaynim rahimahullah et de Sa'di rahimahullah, c'est qu'ils ne se contentent pas du tafsir. Le tafsir, c'est juste expliquer ce que veut dire le verset. Plus ou moins, c'est ce qu'on fait ici. Et eux, ils rajoutent à ça des morales. Des leçons pour retirer des versets qui vont plus loin que le simple tafsir, que la simple explication du verset. Je vous conseille fortement, je vous l'avais déjà dit mais je vous le rappelle, le site du cheikh Moussaïd At-Tayyar. Tous ceux qui ont la langue arabe, il faut absolument que vous alliez dessus. Moussaïd At-Tayyar. Et sur son site, tous ses livres sont disponibles gratuitement en PDF. Et il a écrit Tafsir Juz'i Amma. Le tafsir de Juz Amma, de Amma Yatasa'alu jusqu'à la fin du Coran, de façon très simple. En fait, il vous explique le verset très simplement, sans trop de détails, et dans la marge, là, il détaille un peu ce qu'a dit Tabari, ce qu'il rapporte de Ibn Abbas, Ibn Jubayr, etc. Et bon, c'est déjà pas mal. Si déjà on lit ça, c'est déjà pas mal. Après, bien sûr, des tafsirs, il y en a beaucoup. Maintenant le fiqh, donc où est-ce qu'on était? Donc dans le fiqh, on est arrivé au quatrième chapitre qui s'intitule Al-Istinja'u wa Adabu al-Takhayyul. Al-Istinja, c'est-à-dire le fait de se laver après avoir fait ses besoins naturels, wa Adabu al-Takhayyul. Adab, c'est-à-dire les règles, les comportements à suivre, la conduite à suivre lors du al-Takhayyul. Al-Takhayyul, c'est une des façons de dire accomplir ses besoins naturels. Donc ça, c'est un chapitre de fiqh qu'on retrouve dans tous les livres de fiqh, dans le Kitab At-Tahara. Dans le chapitre de la pureté, il y a toujours un chapitre sur, parfois on l'appelle Al-Istinja, parfois on l'appelle Al-Istitaba. Al-Istitaba également qui est un synonyme de Al-Istinja. Parfois Adab At-Takhalli ou Adab Al-Khala. Al-Khala, c'est l'endroit du Takhalli. Bref, ça peut plusieurs noms. Et ce qui est voulu par là, c'est toutes les règles à suivre. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est déconseillé, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qu'il faut faire quand on accomplit ses besoins. Sachant que, en introduction, on peut citer ce hadith qui est dans Sahih Muslim, le hadith de Salman al-Farisi, radiallahu anhu, à qui un jour quelqu'un, donc dans une version ce serait un mouchrik et dans une version ce serait un juif, quelqu'un s'est moqué de lui en disant لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخَرَاءَ. Il lui a dit, votre prophète, il vous a tout appris, même comment faire ses besoins. Mais lui, il le disait sur un ton moqueur. C'est-à-dire, comment ça, votre prophète, il vous parle de comment aller aux toilettes. Et Salman l'a retourné contre lui. Il lui a montré qu'au contraire, c'était un signe de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ajal, il a dit bien sûr, laqad allamana, et il a cité plusieurs règles, les grandes règles bien connues, comme le fait de ne pas se tourner vers la qibla, de ne pas se nettoyer avec la main gauche, etc. Donc au contraire, ça fait partie des qualités, de la grandeur de cette religion, qu'elle ait montré à la fois les choses qui relèvent de la théologie et les choses qui relèvent des choses les plus quotidiennes qui soient. Donc il dit ici, d'abord il donne quelques définitions, il dit « Al-istinja'u huwa izalatul khariji minas sabilayni bilma » Donc il dit « Al-istinja » c'est faire disparaître ce qui sort des deux sabils, des deux orifices, c'est-à-dire l'urine et les excréments, « bilma » avec l'eau. Donc quand c'est avec l'eau, on appelle ça « al-istinja » qui vient de « an-naju ». « An-naju » qui veut dire « couper ». Dans le sens où c'est comme si on coupait toute trace, on coupe toute trace et tout reste d'impureté. والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بحجر أو ورق ونحوهما. Et donc ça c'est l'istinja. Un autre mot, الاستجمار, qui vient de الجمار, qui veut dire les petits cailloux. Il dit c'est faire disparaître l'urine et l'excrément par une pierre ou du papier ou autre. Donc à la base c'est par les pierres. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient rien d'autre que les pierres pour le faire, mais ce qui est voulu c'est le sens, c'est-à-dire se nettoyer avec quelque chose de solide et d'efficace, c'est-à-dire qui effectivement peut servir à nettoyer l'impureté. Il dit ensuite, donc ensuite il rentre directement dans différentes règles. Yustahabu inda dukhulil khala'i, il est recommandé, yustahabu. Donc quand c'est obligatoire on dit yajibu, le verbe yajibu. Quand c'est recommandé, on dit « yustahabbu ». Qu'est-ce qu'on peut lire aussi dans les livres de fiqh qui veut dire « yustahabbu » ?« Yusannu » au passif. « Mabni l'il-majhoul » »« Yusannu » c'est-à-dire « il est de la sunna ».« Yusannu » et de temps en temps, vous pouvez lire aussi « yundab » »« Nadb » Donc « nadb » »« al-istihbab » et « as-sunna » sont des mots qui sont employés dans les livres de fiqh pour dire ce qui est recommandé. Qu'est-ce qu'on entend par ce qui est recommandé? C'est-à-dire c'est quelque chose qui, si on le fait, on se rapproche d'Allah, on a fait quelque chose de bien et on gagne des récompenses divines. Et si on ne le fait pas, il n'y a pas de mal. On n'a pas commis une faute ni un péché. Donc il dit yustahabu inda dukhul al-khala. Il est recommandé lorsqu'on entre al-khala, c'est-à-dire en l'occurrence pour nous les toilettes, taqdim al-rijli al-yusra, de mettre son pied gauche en entrant, d'entrée du pied gauche. Ça c'est une règle générale dans la religion, c'est pas que pour les toilettes, c'est que tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est propre, on le fait ou on le commence par la droite, et tout ce qui est inférieur, sale, impur, on le fait ou on le commence par la gauche. Donc ça c'est recommandé. Wa qawlu bismillah, et de dire bismillah, donc bismillah c'est recommandé de toute façon pour plus ou moins tout ce qu'on peut faire. Donc notamment lorsqu'on entre aux toilettes, Bismillah, a'udhu billahi min al-khubthi wal-khaba'ith. Donc je me réfugie auprès d'Allah contre al-khubth, qui veut dire le mal. Et certains savants du hadith le lisaient al-khubuth, qui est le pluriel de khabith. Donc si on dit al-khubth, ça veut dire le mal. Et si on dit al-khubuth, ça veut dire les mauvais. Et après, wal-khaba'ith. El khaba'ith, c'est le pluriel de khabithatun, c'est-à-dire les mauvaises. Donc si c'est le mal et les mauvaises, ça signifie le mal, la saleté, l'impureté, et les mauvaises, c'est-à-dire les mauvaises âmes, les mauvaises créatures, sous-entendu les diables, parce qu'on sait que les diables, les toilettes, c'est leur endroit prisé. Donc on cherche la protection d'Allah contre eux au cas où ils seraient présents. Et si on lit le hadith al-khubuth ou al-khaba'ith, alors là, on le traduit par les mauvais et les mauvaises, c'est-à-dire les diables masculins et féminins. Donc en tout cas, cette dua est recommandée avant d'entrer aux toilettes. Et on dit avant, bismillah, yustahabu inda al-khuruji min al-khala'i taqdimu al-rijli al-yumna wa qawlu ghufranak alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa 'afani. Lorsqu'on sort, il est recommandé de sortir du pied droit et de dire ghufranak. Ghufranaka. Donc on voit que le mot il est mansoub, ufranaka. Donc c'est sous-entendu As'aluka rufrana. Je te demande ton pardon. Alors, rufran, ça veut dire le pardon. Pourquoi on demande pardon en sortant des toilettes? Eh bien, c'est comme on vient de se purifier de façon extérieure, de quelque chose de physique, de quelque chose de concret, bah, c'est l'occasion de se rappeler et de demander à Allah d'être purifié des impuretés abstraites, c'est-à-dire des péchés, des impuretés spirituelles. Ensuite, on dit, donc ça, en fait, ce sont deux paroles différentes qui sont rapportées. Rufranak, c'en est une, et l'autre, c'est, dans un autre hadith, Alhamdulillahilladhi adhaba anni al-adha wa afani. Donc, Alhamdulillah, les louanges sont à Allah, ou louanges à Allah, qui m'a débarrassé du mal, c'est-à-dire qui m'a écarté du mal. Adhaba anni, qui a écarté de moi l'adha. L'adha, ici, sous-entendu, les excréments, l'urine, l'impureté. Wa afani, et qui m'a afani, plus ou moins, qui m'a donné la santé. Plus ou moins, on peut le traduire comme ça. Ensuite, il dit يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ اِعْتِمَادُهُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَى. Bon, ça c'est autre chose. On va traduire la première phrase. Il dit, il est recommandé à celui qui veut accomplir ses besoins de s'appuyer sur son pied gauche. Qu'est-ce qu'il veut dire par s'appuyer sur son pied gauche? Ça veut dire que le pied gauche, il est complètement sur le sol, alors que le pied droit, il est comme ça. En faisant ça, l'être humain, il va plus se pencher sur la gauche. Et il y a un hadith qui recommande de le faire. Et c'est recommandé dans les quatre écoles. Donc même si le hadith, il est, c'est vrai que son authenticité, elle est discutable. Mais de toute façon, la plupart des savants, la majorité des savants, l'ont quand même recommandé. Et il l'explique notamment par le fait que, au niveau de la santé, c'est meilleur. C'est meilleur pour accomplir ses besoins. Ensuite, il dit, فَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ أُسْتُحِبَّ بَعْدَهُ أُسْتُحِبَّ بُعْدُهُ c'est pas بَعْدَهُ أُسْتُحِبَّ بُعْدُهُ عَنِ الْعُيُونِ. Il dit, et s'il est فِي الْفَضَاءِ, quand on fait ses besoins, soit on est dans un endroit fermé, soit on est فِي الْفَضَاءِ. الْفَضَاءِ, c'est la nature, un terrain vague, le désert, une plaine, etc. Il dit, alors il lui est recommandé de بُعْدُهُ عَنِ الْعُيُونِ, s'écarter des yeux. Quelqu'un pourrait me dire, bah, pourquoi c'est pas obligé? Ça dépend ce qu'on entend par là. Si c'est dans le sens cacher sa aura de sorte à ce que les gens ne le voient pas, ça c'est obligatoire. Mais là il veut dire shahis, ta silhouette, il est recommandé de l'écarter le plus possible. C'est-à-dire même si on ne peut pas voir ta aura, ben même ta silhouette, il faut si possible qu'on ne la voit pas. C'est vraiment de s'écarter le plus possible. C'est ce qui est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était fil fada dans la nature, il s'écartait jusqu'à ce qu'on ne le voit plus du tout pour aller faire ses besoins. Wastitaruhu, et le fait de se cacher. C'est-à-dire que c'est recommandé même s'il n'y a personne. S'il y a quelqu'un qui peut le voir, là ça devient obligatoire. Wartiyaduhu makanan rahwan, et de chercher un endroit rahu. Rahu, c'est-à-dire qui n'est pas très dur, qui est un peu comme du sable, par exemple. C'est-à-dire que pour éviter les éclaboussures d'urine, on cherche un endroit où l'urine, elle va couler, elle ne va pas éclabousser. Libaoulihi li alla yatanadjas, c'est-à-dire quand il urine, pour ne pas yatanadjas, être touché par la pureté. Yukrahu, donc là il dit yukrahu, c'est-à-dire que c'est ce qui va suivre, et makro. Qu'est-ce qu'on entend par makro? C'est-à-dire que c'est déconseillé. Donc ce qui est déconseillé, ça rentre dans l'interdit. Ce qui est interdit, c'est de deux sortes. Makro, c'est-à-dire déconseillé. C'est déconseillé de le faire. Si tu l'évites pour suivre ce que la religion a dicté, tu gagnes des bonnes actions. C'est une bonne action. Par contre, si tu le fais quand même, est-ce que tu as commis un péché? Non. Parce que c'est seulement déconseillé. Et après on a le haram. Ça c'est ce qui est clairement interdit. C'est-à-dire que tu es obligé de t'en écarter. Et si jamais tu le fais, tu as commis un péché. Donc il dit yukrahu, il est déconseillé. Dukhulul khala'i bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala illa li haja. D'entrer aux toilettes avec quelque chose qui comporte la mention d'Allah. Sauf en cas de besoin. Donc ça c'est basé sur un hadith, mais pas seulement. Parce que le fameux hadith, je pense que vous le verrez dans le Quran Maram, si vous regardez dans ce chapitre, ce hadith il est munkar, le hadith qui dit que qu'il ne faut pas entrer, ou bien que le prophète, c'est plutôt le hadith, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il entrait aux toilettes, il enlevait sa bague. Pourquoi? Parce que sur sa bague, il était écrit Muhammadun Rasulullah. Donc il y avait le nom d'Allah dessus. Ce hadith, il est munkar. Abu Daoud, rahimahullah, qui l'a rapporté dans les sunan, lui-même, après l'avoir rapporté, il dit que c'est un hadith munkar. C'est une erreur, en fait, que certains rapporteurs ont fait dans le hadith. La vraie version, c'est pas ça. La vraie version, en fait, elle ne parle pas des besoins, ça parle juste de la bague. Bref. Mais il n'y a pas que le hadith, il y a aussi du point de vue du sens. Par respect. Par respect pour le nom d'Allah, mais il est déconseillé d'entrer dans les toilettes en portant quelque chose qui porte le nom d'Allah. Et de peur aussi qu'on le fasse tomber dans l'impureté. Donc ça reste déconseillé. Illa li haja. Sauf si pour un besoin. Comme si on a peur de se le faire voler, ou on n'a personne pour le garder, etc. Par contre, en ce qui concerne le mushaf, ça c'est haram, à l'unanimité des savants. Et les savants disent que ça, c'est pas une question qu'il faut discuter. Et le mushaf, ça c'est, il est haram, c'est-à-dire il est clairement interdit, illicite de le faire entrer aux toilettes. Bien sûr, encore une fois, il la lit dans l'ouva. Si vraiment quelqu'un craint que, dans un endroit où il craint que quelqu'un, par exemple, il humilie le prophète, s'il le laisse en dehors des toilettes, etc., là c'est une dans l'ouva. Il peut le prendre avec lui, mais il le cache dans une poche ou autre. وَرُفِعَ ثَوْبُهُ ou plutôt وَرَفْعُ ثَوْبِهِ قَبْلَ دُنُوِهِ مِنَ الْأَرْضِ. Il lui est déconseillé également de lever son vêtement avant de s'approcher du sol. Et ça c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que il ne levait son vêtement qu'une fois qu'il était assis pour accomplir ses besoins. Donc ça c'est même s'il n'y a personne qui le voit. S'il y a quelqu'un qui le voit, ça devient obligatoire bien sûr, puisqu'il est interdit de montrer sa awra. Donc là on comprend, c'est quand tu es seul. Quand tu es seul, par exemple, à l'époque, on imagine à l'époque, quand il mettait des isards ou le qamis, ben il était déconseillé à l'être humain d'eux. Comme ça, il est tout seul et il lève complètement son vêtement jusqu'à la taille, il se dénude. Et après seulement, il se baisse. Ben, il se dénude tout doucement au fur et à mesure qu'il descend. C'est-à-dire que même seul, il faut éviter de découvrir sa aura. Wa kalamuhu fi. Il lui déconseille de parler lorsqu'il est aux toilettes. Donc c'est simplement déconseillé. Et plus précisément, en fait, ce qui est déconseillé, surtout, c'est de discuter quand on est aux toilettes. Donc, c'est pas haram, c'est pas interdit, mais c'est makruh, c'est déconseillé. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? La différence, c'est au niveau du péché. Alors, si jamais quelqu'un le fait, c'est pas un péché. Et surtout, on en comprend que, pour que vous sachiez la différence entre makruh et haram, le haram, quand est-ce que je peux le faire? Quand il y a une darura. Le makruh, quand est-ce que je peux le faire? Bon, déjà, je peux le faire parce que c'est pas un péché, mais en plus, quand il y a une haja, c'est même plus makruh. C'est-à-dire, quand il y a une darura, la chose n'est plus haram. Darura, c'est un besoin absolu, on va dire, entre guillemets, une contrainte. Alors que le haja, c'est un simple besoin, c'est en dessous de la contrainte. Le haja, le besoin, fait disparaître le karaha. C'est-à-dire, une chose qui est makruh, si on en a besoin, elle n'est plus makruh. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc si j'ai besoin de parler, il ne faut pas que je sois jusque-là. C'est un besoin de vie, c'est une question de vie ou de mort pour que je parle. Si j'en ai juste besoin, je peux parler. Wabawluhu fi shaqqin. Et il est déconseillé d'uriner dans shaqq. Ici, ça veut dire, comment on dit, un trou dans la terre. Une fissure dans la terre ou bien les terriers, tout ça. En fait, les trous qu'il y a dans la terre, ou c'est vrai, les fissures qu'il y a dans la terre, tout ça, c'est interdit, enfin, c'est déconseillé d'uriner dedans. Pour plusieurs, ça c'est un hadith qui le dit textuellement, et pour plusieurs raisons, c'est pour ne pas nuire aux bêtes qui peuvent y vivre, ou aux djinns qui peuvent y vivre, et aussi pour ne pas subir, toi, les représailles d'un éventuel animal ou d'un djinn. Donc c'est pour protéger autrui, par respect pour autrui, et par... pour se protéger soi-même. وَمَسْتُ فَرْجِهِ بِيَمِينِ. Et il est déconseillé de toucher son sexe avec sa main droite quand on urine. On touche de là, de la main gauche seulement. C'est pour ça qu'un musulman, quand on y réfléchit, un musulman, même s'il sort des toilettes, tu peux lui serrer la main. C'est pas le cas de tout le monde. Par rapport à la question d'avant, pour le truc, c'est un truc déjà existant. Les trous dans la nature, ouais, qui existent, ouais, déjà. Mais sinon, le trou-là, lui, il fait un trou. Ouais, Non, il n'est pas obligé d'en faire, si c'est déjà mou, entre guillemets, par terre. Ouais. Mais s'il veut faire un trou, ouais, à ce moment-là, c'est lui qui l'a fait. Okay. Ouais. Mais si c'est un trou existant dans la nature, non, c'est déconseillé. Parce que c'est les animaux qui, ou les djinns qui habitent dedans. Ouais, donc on disait, c'est une des sagesses dans tout ce qu'on vient de dire là, c'est quand on y réfléchit, le mousseline, sa main droite, elle sert qu'à des choses propres. Il peut même sortir des toilettes et manger. Parce que sa main droite, elle n'a rien touché. Et sa main gauche, elle ne va pas toucher son manger, comme on va le voir après dans Boulour al-Mara. Quand bien même, il ne se laverait pas les mains. Bien sûr, il se lave les mains, mais on veut dire quand bien même. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut s'en vanter. Donc il dit, wastijmaruhu biha. Et le fait de se nettoyer par la main droite. Istijmar, c'est-à-dire s'il utilise une pierre ou du papier, il n'utilise pas sa main droite. C'est sa main gauche qu'il utilise pour nettoyer ses parties intimes. Donc tout ça, il a dit, c'est makruh. Si jamais quelqu'un le fait, c'est pas haram. Si jamais quelqu'un veut venir à le faire, se nettoyer de la main droite, tenir son sexe de la main droite, uriner dans un fossé, etc. Tout ça, c'est pas haram, c'est pas un péché. Mais ce sont les choses qui sont conseillées par l'islam. Ensuite, il dit yahrumu. Donc il a terminé par les choses qui sont clairement illicites. C'est-à-dire les choses suivantes, si on les commet, c'est un péché. يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. Pour ceux qui ont le livre en arabe, enfin pour ceux qui suivent en arabe, il manque un alif ici. C'est hala. Il a écrit ha et lam. Il manque une lettre. Hala, c'est-à-dire au moment de ou quand il. حال قضاء الحاجة في الفضاء ويجوز في العمران والأفضل اجتنابه. Donc il dit, il est haram, il est clairement illicite de faire face ou de tourner le dos à la qibla quand on fait ses besoins fil fada, dans la nature, c'est-à-dire dans un terrain vague, dans le désert, etc., dans une plaine. Alors là, il est interdit de faire face à la direction de prière, à la Mecque, ou de tourner le dos à la Mecque. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour de Médine, « Sharriqu aw ghadribu », tournez-vous vers l'est ou l'ouest, c'est-à-dire pour les gens, pour qui la qibla est au sud ou au nord. Donc si pour nous, par exemple, la qibla elle est comme ça, on se tourne par là, ou par là. Il dit fil fada. Il dit, mais c'est permis fil umran, dans les constructions, c'est-à-dire dans les toilettes qui sont emmurées ou dans les maisons. Et c'est permis de se tourner vers la qibla quand on fait ses besoins. Mais il dit, wal-afdalu ijtinabu. Et le mieux, c'est d'éviter quand même. Pourquoi, à votre avis, le mieux, c'est d'éviter quand même? Non. Pour éviter le khilaf. Parce que certains savants disent que même entre quatre murs, c'est haram. C'est l'avis notamment d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Donc la majorité des savants, vous retenez, la majorité disent que il est haram de faire face ou de tourner le dos à la qibla quand on fait ses besoins dans un terrain vague, pas entre quatre murs. Entre quatre murs, ils disent que c'est même pas makruh, c'est permis. Par contre, et d'autres savants disent que c'est haram mutlaqan. Mutlaqan, qu'est-ce qu'on veut dire par mutlaqan? Absolument, dans tous les cas. Donc c'est pour ça que pour sortir de cette divergence, pour être sûr de ne pas se tromper, même à la maison, on évite de le faire. Donc ça, c'est par respect, bien sûr, pour... Il y a beaucoup de hadiths qui existent à ce sujet. Et pourquoi cette divergence, elle existe? Parce qu'il y a plusieurs hadiths dont on comprend plusieurs choses différentes. Et c'est par respect, donc, pour la Kaaba. Ensuite, il conclut en disant... يحرم البول والغائط في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة ونحو ذلك. Il dit, il est haram, il est illicite d'uriner ou de faire ses besoins, enfin ses excréments, dans un chemin. Ici, ce qui est sous-entendu, un chemin emprunté par les gens. Si c'est un chemin abandonné où personne ne passe, il n'y a pas de mal. Mais un chemin que les gens empruntent, c'est carrément un péché. C'est clairement haram de faire ses besoins dedans, tout simplement pour ne pas nuire aux gens. Wafdin et l'ombre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'ombre dans laquelle les gens s'assoient. Donc ces deux choses-là, elles sont citées dans un hadith. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ittaqul la'anayn. Craignez les deux causes de malédiction. Et les compagnons lui ont dit, ben, c'est quoi les deux causes de malédiction? Et il a dit, التخلي, ou je ne sais plus si c'est le baul ou le qadal haja, le mot qu'il a dit, bon, en tout cas il veut dire par là, faire ses besoins, fi tariq innasi, ou fi dhillihim, dans le chemin des gens ou dans l'ombre des gens. Donc le fait qu'il ait dit des gens, ça prouve que ce qui est voulu, c'est les endroits ombragés que les gens utilisent. Pas l'ombre dans la forêt où il n'y a personne qui passe, ça, il n'y a pas de mal. Et le chemin des gens, c'est-à-dire les chemins qui ne sont pas abandonnés, pour ne pas nuire aux gens. Et les savants disent, de ces deux-là, ben on retire en fait tout endroit que les gens empruntent ou auprès desquels ils restent. C'est-à-dire, il y avait l'ombre, ça peut être le contraire. Ce qu'on appelle un mutashammas. C'est-à-dire l'endroit où les gens se mettent au soleil en hiver. Il sera interdit d'uriner, parce que c'est un endroit où les gens se réunissent. Il dit watahta shajaratin muthmira, et sous un arbre fruitier. Sous-entendu, dont le fruit est comestible et que les gens en veulent. C'est des marsouda. Un arbre dont les fruits sont cueillis par les gens et dont les gens profitent. Il est interdit, parce que les gens vont venir sous cet arbre. Et aussi les fruits vont tomber. Donc ils risquent de tomber dans l'impureté. Wa nahwi dhalik, il dit etc. Nahwi dhalik, c'est-à-dire tout ce qui est semblable, c'est-à-dire tout ce qui peut nuire aux gens ou aux animaux, eh bien, il est interdit d'y uriner ou d'y faire ses excréments. Ah, c'est pas terminé, je crois que c'est terminé. Il dit yastajmiru. Maintenant, il rentre dans adab, c'est-à-dire clairement comment l'être humain se nettoie de ses impuretés. Il dit yastajmiru bihajarin, tahirin. Yastajmir, c'est-à-dire il doit se nettoyer avec une pierre pur. Donc quand il dit une pierre, ça veut dire quoi que ce soit qui soit solide en fait, comme le papier. Thalatha masahatin munqiya. Trois essuyages qui purifient. C'est-à-dire que même si une fois ça suffit, tu es obligé de t'essuyer au moins trois fois. Munqiya. Fa illam yunqi zad. Et tant que ça ne suffit pas, il doit rajouter. Maintenant, les fuqaha ont expliqué. C'est quand que ça ne suffit pas? La réponse, elle est simple. Al-istijmar, en fait, l'être humain, quand il se nettoie, il a le choix entre al-istijmar et l'istinja, entre le solide et le liquide. Il n'est pas obligé d'utiliser l'eau, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Beaucoup de gens, il y en a même certains qui peuvent se s'endurcir à la vie à cause de ça. Le commun des musulmans qui ne lisent pas, qui n'apprennent pas, ils croient que l'eau, c'est obligatoire quand on a fait ses besoins. Alors qu'à l'unanimité des savants, il n'y a même pas de khilaf sur ça, c'est pas obligé de se nettoyer avec de l'eau. On peut se contenter du solide. Mais alors le solide, jusque quand? Jusque quand l'être humain doit se nettoyer? Jusqu'à ce qu'il reste ce que seule l'eau peut effacer. Puisque l'eau, elle n'est pas obligée. Donc si il reste ce que tu ne peux plus enlever avec du solide, bah, c'est tout, tu t'arrêtes là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, parfois, bah, c'est tout, tu ne peux plus faire autrement. Donc tu fais autant que tu peux pour purifier. Et si au bout d'un moment, c'est-à-dire tu fais le maximum qui peut partir. Et il est recommandé de le faire de façon impaire, trois fois ou cinq fois. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, les quatre fois elles ont suffi, il rajoute une cinquième. C'est bien de le faire de façon impaire. Ça c'est rapporté dans un hadith. Ensuite il dit, il est illicite de faire l'istijmar avec les choses suivantes. Bi'azmin, un os. Pourquoi un os? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est la nourriture de vos frères parmi les djinns. Donc c'est par respect pour les djinns. Ou rawthin. Rawth, c'est-à-dire le... Donc là, ils ont inversé les deux lettres, le waw et le ra. Vous corrigez pour ceux qui suivent en arabe. Rawth, c'est-à-dire les crottins. Crottins d'âne, de cheval, etc. On n'a pas le droit de les... Parfois, ils peuvent être très solides. Malgré ça, on n'a pas le droit de les utiliser. Et de la nourriture. D'où on le retire, ça? Il a interdit d'utiliser les eaux en disant « parce que c'est la nourriture des djinns ». Donc, la nourriture des êtres humains, a fortiori, on ne doit pas l'utiliser. Ici, ils ont oublié le « waw ». Je pense qu'ils ont oublié le « waw ». C'est-à-dire, c'est pas « ta'amin muhtaram ». C'est « wa ta'amin wa muhtaram ». C'est une autre catégorie. Muhtaram, c'est-à-dire tout ce qui est respectable. Il donne comme exemple les fuqaha, des livres de religion par exemple. C'est des exemples, bien sûr, qui sont flagrants, mais pour qu'on comprenne. Les choses qui sont respectables, on ne doit pas se nettoyer avec. وَيَجُوزُ إِزَالَةُ الْخَارِجِ بِالْمَاءِ وَالْمَنَادِيلِ وَالْوَرَقِ. Et il est permis de se nettoyer avec de l'eau, avec des manadils, c'est-à-dire des mouchoirs, وَالْوَرَقِ, du papier. Et il dit والجمع بين الأحجار والماء أفضل من الماء وحده. Le fait de réunir l'eau et les pierres, c'est-à-dire pour nous le papier, est meilleur que l'eau seule. En fait, il y a 3 degrés chez les fuqaha. Ils disent que le mieux, c'est de joindre l'eau au papier, c'est-à-dire de commencer avec du papier et de terminer avec l'eau. Pourquoi c'est le mieux? Parce qu'en utilisant le solide, tu sais, tu salis pas ta main, et en concluant avec l'eau, tu nettoies mieux le mahal, c'est-à-dire l'endroit. Donc c'est pour ça que c'est le mieux de joindre les deux. La deuxième étape, c'est l'eau. L'eau, c'est meilleur que le papier seul. Et la dernière étape, c'est le papier seul. Et les 3 sont permises. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths qui sont authentiques et indiscutables, eh bien, parfois il se nettoyait qu'avec les pierres, sans ajouter l'eau derrière. Ensuite, il dit, يَجِبُ غَسْلُ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ بِالْمَا. Il est obligatoire de laver l'endroit de l'impureté qui touche un vêtement avec de l'eau. C'est-à-dire que, on l'a déjà vu plus ou moins, c'est-à-dire si jamais il y a de l'urine sur un vêtement, ben il faut le laver ce vêtement, ou en tout cas faire disparaître l'impureté jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qu'on ne peut plus enlever. C'est-à-dire si jamais il y a une trace, mais que cette trace je ne peux plus l'enlever, la trace elle est tolérée. فَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُهَا غُسِلَ الثَّوْبُ كُلُّهُ. Et si on ne sait pas à quel endroit exactement l'impureté a touché, quelqu'un il sait que l'urine elle a touché son vêtement mais il ne sait pas où, là il est obligé d'être certain. Si vraiment il ne sait pas, ni c'est en haut du vêtement, ni dans le bas, ni dans le haut, ni au milieu, il ne sait pas, il doit laver le vêtement entier pour être sûr d'avoir lavé l'impureté. مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَاعِدًا وَلَا يُكْرَهُ بَوْلُهُ قَائِمًا إِنْ أَمِنَ تَلَوُّثًا. Là, il a bien, cette phrase elle est vraiment bien faite, il a très bien résumé le sujet. Il a dit, il est de la sunna d'uriner que l'homme urine assis. Mais il n'est pas déconseillé d'uriner debout. Si il ne craint pas d'être touché par l'impureté. Talawuthan. In amina, c'est-à-dire s'il est à l'abri de talawuthan. Talawuth, fait de se salir. En fait, ici, il nous parle de la question, uriner assis ou debout. Pourquoi cette question et pourquoi ce débat? Parce qu'il est rapporté que Aïcha radiallahu anha disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam urinait assis et que celui qui rapporte qu'il urinait debout, faqad kazaba. Faqad kazaba, comment on traduit ici? Non. Kazaba dans la langue du Hijaz, la langue ancienne. C'est plus fort. Non, justement, c'est en fait kazaba, ça veut dire qala khilaf al-haq. Il a dit le contraire de la vérité. Donc si c'est volontaire, c'est mentir. Si c'est involontaire, c'est se tromper. Donc Aïcha, quand elle dit ça à d'autres compagnons, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il s'est trompé. Il ne ment pas. Il s'est trompé. Dans leur langue, kazaba, la plupart du temps, c'est se tromper, en fait. Il n'a pas dit ce qui est correct. Mais il est rapporté de d'autres compagnons qu'ils ont vu. Et ça, Aïcha, elle ne pouvait pas le savoir parce qu'elle était chez elle. Donc elle parle de ce qu'elle a vu. Mais les compagnons ont parlé aussi de ce qu'ils ont vu, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout. Donc comment on regroupe tout ça? Les savants disent c'est qu'en fait, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en majorité, la plupart du temps, c'est d'uriner assis. Et qu'il est permis d'uriner debout. Mais celui qui veut faire le mieux, et ce qu'il faisait le plus, c'était d'uriner assis. Et uriner debout, c'est permis à condition. In amina talawushan. À condition d'être à l'abri des éclaboussures d'urine. Alhamdoulilah, on a fini un chapitre, c'est bien. J'aurais bien fait une révision. Par exemple, du chapitre précédent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, quelle est comment on appelle l'impureté en arabe? Najasatu. Comment on dit en arabe, par exemple en parlant d'un vêtement, qu'il a été touché par l'impureté? Comment on dit? Yatanadjas. Et au passé, tanadjas. Et donc il est, soit on dit mutanadjis, ou alors tout simplement najis. Pas najis, najis. Najis, c'est-à-dire il est touché par la pureté. Et on avait fait la différence entre najasa ayniya et najasa hukmiya. Quelle est la différence entre les deux? Najasa ayniya, qu'est-ce que c'est? Donnez-moi un exemple en fait de najasa ayniya. l'urine, c'est une najasa ainiya. C'est-à-dire l'urine, comment vous expliquer? Bon, l'urine, je ne peux pas la laver, mais l'urine, c'est l'urine. Ça, je peux pas faire. Les excréments, ou un chien, par exemple, si on dit que le chien est impur, si je peux le passer au karcher, il va rester un chien, il va rester impur. Alors que un najasa al-hukmiya, c'est quand la najasa touche un endroit pur. Et donc celle-là, je peux la nettoyer. C'est celle-là dont on parle dans la façon de nettoyer l'impureté. Donc citez-moi les différentes najasat, celles qui sont unanimes. La première, c'était, sans regarder dans le bouquin, bien sûr. Al-Maïta, qu'est-ce que ça veut dire Al-Maïta? Les cadavres. Donc les cadavres, c'est soit un cadavre d'animal. Vas-y, continue, d'animal. On a le droit de manger. Qu'on a le droit de manger, mais. Qui est mort naturellement. Ça, voilà, qui est mort plus ou moins, on va dire naturellement, ou on l'a cogné, on l'a électrocuté ou autre. C'est-à-dire on ne l'a pas égorgé de façon légiférée. Ou alors il a été égorgé, mais par quelqu'un qui adore des idoles, ou qui adore le feu, ou un athée. Donc c'est un cadavre. Alors que si on égorge un animal licite, on l'égorge en disant bismillah, et c'est fait par un musulman, un juif ou un chrétien, c'est pas une maïta, c'est halal, on peut le manger. Donc le maïta, c'est soit l'animal licite qui est mort comme ça, d'une façon, c'est pas halal entre guillemets, ou alors les animaux qui ne sont pas comestibles. On avait oublié de dire que le maïta, sauf de l'être humain, le cadavre de l'être humain, il est pur, c'est vrai qu'on aurait dû le préciser. Quels sont les cadavres aussi qui ne sont pas impurs? Plus généralement que poisson, un calamar, ce qui vit dans la mer. Voilà. Les animaux de la mer. Et aussi. Non, on avait dit un autre truc. Une autre catégorie. Voilà, les animaux qui sont si petits que on peut pas. Leur sang ne coule pas. Moustiques, mouches, scarabées, cafards et autres plaisirs de la vie. Après, il y a quoi encore? Autre impureté. Le sang. Alors, comme on fait que le sang. On dit le sang. Sauf dans quel cas le sang? Quand il est vraiment en petite quantité. 2-3 gouttes, comme ça, on avait dit, il avait pas mal. Est-ce que le sang de l'être humain, il est pur? Non, impur également. Le sang, en général, il est impur. Et chez les quatre imams, et en fait, c'est l'imam Ahmed disait que c'est un ijma. Il n'y a pas de khilaf dessus. Et le sang de requin? Ouais, le sang, effectivement, le sang des animaux de la mer, ceux-là, comme leur cadavre il est pur, leur sang aussi il est pur. C'est vrai. Ensuite, on avait dit, bon, la viande du porc, ça c'est évident. Après, autre chose d'évident, on vient d'en parler. Le foie, c'est du sang. Le foie, c'est une exception. Le foie et la panse, comme il dit un hadith, Uhilla lana maitatani wa daman. Il y a 2 sangs et 2 cadavres qui nous sont autorisés. Al-amma damu fal kabidu wa tihal. Il a dit le sang c'est le foie et la panse. Ammal maïtatu fa faljarad walhout. Il a dit pour les cadavres c'est les sauterelles et les poissons. Et là ça soulève une masala qui est intéressante. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les sauterelles c'est un cadavre qui nous est permis de manger, est-ce qu'on dit bah c'est tout, c'est que la sauterelle? C'est écrit dans le hadith et c'est comme ça. Où est-ce qu'on regarde pourquoi la sauterelle? Et donc on en retire que d'autres animaux aussi vont être licites à manger. Si on dit que c'est que la sauterelle, alors c'est que la sauterelle. Et tous les autres cadavres, ils sont haram. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? Les escargots. Si on dit la sauterelle parce que la sauterelle, tu ne peux pas la zbah, la sauterelle, tu la casses en deux, il n'y a pas de sang qui coule. C'est pour ça qu'on a le droit de la manger. Alors on va dire, bah, l'escargot, c'est pareil. L'escargot, on ne peut pas les... On ne peut pas l'égorger s'il n'y a pas de sang qui coule. Donc son cadavre, c'est comme la sauterelle. C'est pour ça qu'il y a une divergence entre les savants. Je ne vous dis pas, l'un des deux est bon. Juste pour qu'on comprenne ce que ça peut soulever, cette question de la sauterelle. Et la grenouille? La grenouille, je sais. Je ne sais plus. Bah, je ne sais pas. Ça va prendre avec les poissons et tout, je ne sais pas. La logique, ouais. Là, comme ça, en premier abord, c'est que c'est un animal, comment on dit, aquatique. Ouais. C'est comme les crocodiles. Les crocodiles, il faut pas discuter du crocodile. Certains ont dit on peut le manger, d'autres ont dit non. En fait, tout ça, ça nous montre quoi? C'est que les sciences terrestres aide au fiqh. Parce que pour dire que le crocodile, on peut le manger ou pas, tu peux avoir appris la religion pendant 50 ans. Si le crocodile, tu sais pas ce qu'il est, tu pourras pas dire s'il est licite ou pas. Il faut que tu rajoutes une autre connaissance qui est, comment on dit, les sciences des animaux. Bon, j'ai oublié. Ouais, la zoologie, les sciences comme ça. Et donc qu'on sache, est-ce qu'il vit dans l'eau tout le temps? Est-ce qu'il sort de l'eau? Et s'il sort de l'eau, est-ce que c'est longtemps ou pas? Etc, etc. Donc les sciences terrestres, elles aident au fiqh. C'est comme la médecine. La médecine, elle aide au fiqh. Parce qu'il y a beaucoup de masaïdes. Il y a les masaïdes de base qui sont claires. Comme quand le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne vous soignez pas avec du haram. Bon, bah ça c'est clair. Ou quand il nous dit, tadaou, soignez-vous. Ça c'est les grandes lignes. L'être humain, il doit se soigner. Il ne doit pas se soigner avec du haram. Etc. Mais après, parfois il peut y avoir des questions. Pour y répondre, il faut une réponse scientifique. C'est-à-dire, il faut qu'on sache. Et parfois, les fuqaha, ils disent, ils se prononcent selon les connaissances qui étaient les leurs à l'époque. Mais la médecine, elle progresse. Et parfois, on peut découvrir que ce que certains fuqaha ont dit, c'était basé sur une erreur de médecine. Et qu'on connaît maintenant avec la médecine moderne, qui est sur certains points beaucoup plus forte que les médecines anciennes. De quel point de vue? Surtout du point de vue de savoir ce qu'il y a dans l'être humain, etc. C'est plus fort. Pardon? Tu veux dire? Tu veux dire si c'est impur ou que je... Non, ben non. La question, ça serait est-ce qu'ils sont impurs? Donc nous, on avait dit qu'ils étaient impurs. Les bêtes carnivores, tout ça, c'était impur. En ce qui concerne les animaux aquatiques, est-ce que c'est différencié par rapport au fait qu'ils respirent dans l'eau ou pas? Honnêtement, je sais pas. Moi, je connais la grande règle, c'est-à-dire que les animaux de la mer sont permis. Après, les détails, je sais pas. Est-ce qu'il y a des photos sur le poisson d'élevage dans le temps? La ferme. Qui sont pas grandis dans la mer, enfin, qui n'habitent pas dans la mer. Le fait qu'ils soient élevés, ça n'enlève pas son statut. Ce qui peut enlever son statut, c'est le fait qu'ils soient nourris avec des cadavres et tout ça. Je l'ai pas lu, hein. Mais ça peut jouer. Mais pas le fait qu'on l'élève. Parce que le fait qu'on l'élève, ça n'enlève pas que c'est un animal aquatique. Bon, il y avait quoi d'évident? L'urine, les excréments, il y a quoi encore qui sort de l'homme? Le pu, on avait dit, vaut mieux. Al-Mani, on avait dit, c'est pur. Al-Mavi. Et on avait trois mots qui se ressemblent. Mani-Youn. C'est le sperme, donc il y a une shedda à la fin. On ne dit pas manioun, on dit maniyoun. Et les deux autres, ils se prononcent de la même façon. Mavyoun, on ne dit pas mavyoun, on dit mavyoun. Et wadyoun. Wadi, on avait dit le liquide blanc qui sort après l'urine chez certaines personnes. Et le mavi, c'est un liquide qui a trait aux pulsions, on va dire. Bon, allez, c'était les petites révisions, on va pas trop réviser non plus, parce que sinon on s'en sort pas. Le vomi, ouais. Le kai. On avait dit dans celles sur lesquelles ils ont divergé. Par contre, tu peux fermer la porte, je crois. Je sais pas si vous avez fait ça, mais. Ah oui. On passe au hadith de Boulour al-Naram, donc Kitab al-Jamia. C'est le hadith. Moi j'ai 1460, je ne sais pas si un livre à l'autre, parfois ça change. Donc il dit « An ibn Umar radiallahu anhuma qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yanzurullahu ila man jarra thawbahum khuyala'a, muttafaqun alayhi. » Donc ibn Umar rapporte, radiallahu anhuma, que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Allah ne regarde pas celui qui traîne son vêtement par vanité. » Khuyala, c'est l'orgueil, la vanité, le paraître. Donc ça fait allusion à une habitude ancienne qui était le fait de traîner son vêtement par orgueil. Un peu comme on l'a vu quand on était petit dans les films et tout ça, avec les rois, etc. qui traînaient leur robe. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam menace celui qui commet ce genre d'acte en disant « La yanzurullahu ilayh » « Allah ne le regardera pas ». Et le fait qu'il ne le regarde pas, ça implique qu'il ne lui fera pas clémence et qu'il ne lui fera pas miséricorde. Donc ce jugement-là, il est sujet à consensus entre les savants, entre les fuqaha, qui est que celui qui traîne son vêtement par orgueil, il a commis un péché. C'est haram, c'est illicite. Par contre, qu'en est-il de la fameuse question bidoun khuyala, si la personne ne le fait pas par orgueil, c'est-à-dire qu'elle le fait parce que c'est l'habitude chez elle, c'est l'habitude dans son pays, etc. Alors, sur ce sujet, les quatre écoles, l'avis des quatre écoles, c'est que si jamais l'être humain le fait, mais sans orgueil, c'est-à-dire que son vêtement tombe sous sa cheville sans orgueil, comme c'est le cas pour nous maintenant, c'est-à-dire ici, quand quelqu'un met son pantalon, il tombe sous sa cheville, c'est pas par orgueil, c'est par ada, c'est par habitude. En fait, dans les quatre écoles, ils disent soit que à ce moment-là, c'est moubah, c'est permis, ou alors c'est makruh, c'est déconseillé. Mais ils sont unanimes pour dire que c'est pas haram. Et certains savants, pour être honnête, c'est-à-dire pour tout dire, certains savants, à travers les siècles de l'islam, ont dit que c'était haram. Cet avis, il existe. Et c'est pour, en fait, c'est l'avis qui est le plus connu maintenant. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez des livres des savants contemporains, la plupart des savants contemporains, ils sont de cet avis-là. Mais en fait, ça reste un avis minoritaire. Dans l'histoire de l'islam, il y a également, parmi les savants malikites, certains qui disaient ça. Al-Qadi Iyad et Abu Bakr ibn al-Arabi. Et parmi les Shafi'iya, al-Zahabi. Donc ça, c'est ceux qui ont dit que c'est haram, c'est-à-dire dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est haram, qu'ils le fassent par orgueil ou sans orgueil. Et il y a toute une argumentation, bien sûr, derrière, on ne va pas entrer dans l'argumentation en elle-même. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que les quatre écoles et la majeure partie des savants disent que s'il ne le fait pas par orgueil, alors c'est simplement soit permis, certains ont dit permis, soit makruh. C'est déconseillé, mais il ne commet pas un péché. Il vaut mieux que son vêtement soit au-dessus de sa cheville, mais ce n'est pas obligé. Si jamais il tombe sous sa cheville, c'est juste déconseillé. Et ça, c'est rapporté de façon textuelle, notamment de l'imam Ahmed. Quand quelqu'un lui a demandé si quelqu'un le fait sans orgueil, il a répondu « la baisse, il n'y a pas de mal à cela ». C'est rapporté également de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, qui avait acheté un beau vêtement et qui carrément, lui, c'est pas qu'il tombait sous sa cheville, c'est qu'il touchait par terre quand il marchait. Et quand quelqu'un lui a fait le reproche, il a dit « ça c'est interdit pour ceux qui le font, khuyala, par vanité ». Il a dit « wa lasna min ha'oula » et nous ne faisons pas partie de ces gens-là. C'est-à-dire qu'il a clairement rattaché ce jugement au fait de le faire par orgueil. Donc sans aucun doute, le mieux, c'est que le vêtement du musulman ne tombe pas sous sa cheville. C'est-à-dire sur la cheville, ça va encore. On n'est pas obligé de, par exemple, la moitié du tibia, etc. Il faut, sous la cheville, c'est makruh. Le mieux, c'est de l'éviter. Et si jamais quelqu'un le commet, ben, il a commis quelque chose qui est, selon la majeure partie des savants, des quatre écoles, c'est makruh. C'est le madhab chez les Hanabila. Le madhab des Hanabila, il dit ça. Et le hadith qui dit ce qu'il y a en dessous de la cheville, c'est finna. Ben en fait, c'est comme j'ai dit, je ne voulais pas trop entrer dans l'argumentation, juste savoir comme ça que, en fait, comme il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh Islam, il dit qu'en fait, comme dans certains hadiths, il a parlé de l'orgueil, le hadith d'Abu Bakr, ce hadith-là, ben, tous les hadiths où il ne précise pas, on en comprend que c'est pas orgueil. Pourquoi ? Parce que tous les anciens qui ont parlé sur ça, ils ont toujours fait la différence entre eux, avec ou sans orgueil. C'est-à-dire, plus tu remontes loin, tu trouves toujours cette différence. L'imam Ahmed, il a fait la différence. L'imam Shafi'i aussi, j'ai oublié de le citer, il a fait la différence. Abu Hanifa, il a fait la différence. L'imam Malik, rahimahullah, à ma connaissance, il n'est pas rapporté de parole de lui sur ça. Et le madhab chez les malikites, c'est que c'est la différence. Et certains savants malikites, comme on a dit, Al-Qadi Iyad, Ibn al-Arabi, eux, ont dit qu'il n'y avait pas de différence. Mais le madhab connu, entre guillemets, le malikisme, c'est qu'il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont compris en fait que tout ça c'est conditionné par l'orgueil. C'est ce qu'on comprend aussi quand on lit Sahih al-Bukhari. Bukhari a mis un hadith sur ce hadith. Après il met un autre chapitre parce que le fiqh de l'imam al-Bukhari il est dans ses titres. Et après il a mis un deuxième chapitre qui s'intitule « Quand il le fait sans orgueil ». Donc c'est sous-entendu que c'est pas le même. C'est pas le même statut, c'est pas le même hukm. Et également le Hanabila, Ibn Hibban, dans son Sahih, quand il a rapporté les hadiths sur ce sujet, à la fin il a précisé tout ce que nous venons de citer, c'est quand c'est par orgueil. Donc bien sûr, on ne dit pas que c'est pas makruh. C'est-à-dire c'est soit makruh, soit mubah. Certains ont dit qu'il n'y a carrément pas de mal, et d'autres ont dit que c'est makruh. Donc le mieux, ça reste d'avoir son vêtement qui ne tombe pas sous la cheville. Par contre, une autre chose aussi que je peux signaler, qui est intéressante, c'est une erreur ou quelque chose qu'on voit beaucoup en tout cas, c'est le fait de couper trop haut son qamis, en pensant que c'est la sunna, alors qu'en fait ce n'est pas, ça ne fait pas partie de la sunna. La sunna dans le qamis, c'est qu'il soit au-dessus de la cheville, mais il ne doit pas être trop haut. Ce qui est conseillé d'être haut, c'est l'izar. L'izar, c'est quelque chose que nous, on ne le porte pas, c'est pas nos habitudes. C'est ce qui était porté à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, même maintenant, dans la péninsule arabique, ils ne le portent plus. Ça se porte au Yémen. C'est un panier qu'on enroule autour de la taille, et donc qui recouvre l'être humain comme ça. Il n'y a pas de trou pour mettre ses pieds. Donc en fait, il y a différents hadiths, et tous les hadiths qui parlent de nissou saq, la moitié du mollet, ou alors abalatou saq, le mollet, tous ces hadiths-là, ils parlent de izar. Et à aucun moment, ça parle de thawb. Et c'est logique parce que l'izar, effectivement, même si tu le portes très haut, bien, il va rester à peu près hein, là où tu l'as mis. Alors que le qamis, si quelqu'un le porte juste là, quand il va faire le recours, ça peut monter et découvrir le début de sa cuisse. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas recommandé, comme beaucoup de gens disent, ah, nissou saq. C'est pas fait. Nissou saq, c'est dans l'izar. Le qamis, il faut qu'il descende un peu. On passe au hadith suivant. وعنه استدعي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخرجه مسلم. Donc dans ce hadith rapporté par Muslim, le prophète dit صلى الله عليه وسلم quand l'un d'entre vous mange, qu'il mange de la main droite, et quand il boit, qu'il boive de la main droite. Et il dit, car le diable mange de la main gauche et boit de la main gauche. Donc le hadith, il est simple à comprendre, c'est que il faut manger de la main droite et boire de la main droite, et qu'il est, alors encore une fois, selon la majeure partie des ulama, la grande majorité, c'est makruh, c'est déconseillé de manger ou de boire de la main gauche. En fait, vous allez observer que dans les quatre écoles, les fuqaha, la majorité, tout ce genre de règles qui concernent un peu les règles de vie du quotidien, ils les mettent jamais au stade du wajib et du haram, très rarement. Il faut vraiment qu'il y ait un texte qui dit par exemple la malédiction d'Allah ou l'enfer pour qu'ils disent haram. Tant qu'il n'y a pas ça, ils disent toujours ça reste dans le makruh. Alors, si jamais quelqu'un le fait, ça c'est pas jusqu'à un péché, mais il a fait ce qui n'est pas le mieux à faire. De même que les choses qui sont ordonnées dans ces sujets-là, eh bien, c'est recommandé, mais ça ne va pas jusqu'à l'obligation. Et certains savants ont dit que c'était une obligation. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il a dit, car le diable mange de la main gauche. Donc, pour ne pas ressembler au diable. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose à appliquer. Et c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, il dit, عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. Donc à la fin il a dit rapporté par Abu Daoud, Ahmed وعلقه البخاري. علقه البخاري, c'est-à-dire l'imam Bukhari l'a cité dans son sahih, mais sans le début du isnad. Ça, c'est quelques hadiths qui sont dans le Bukhari. Bon, on ne va pas trop s'étendre dessus. Mais plus ou moins, quand vous lisez que le hadith il est mu'allaq dans le Bukhari, ça veut dire qu'il n'est pas comme le reste des hadiths du Bukhari, sahih automatiquement. Il a son jugement à part. Comme si c'était un hadith rapporté par Abu Daoud ou Ahmed. Donc, que dit ce hadith? Il dit, mange, bois, habille-toi et fais aumône. Donc, il dit quatre choses. Si on prend le début du hadith, mange, bois, habille-toi et fais aumône. C'est-à-dire dépense, donne. Si on s'arrête là, qu'est-ce qu'on comprend d'abord du hadith? La première chose qu'on comprend du hadith, c'est la largesse. C'est-à-dire que l'islam, il n'est pas là à te dire, par exemple, les choses qui sont bonnes, par ascétisme, il ne faut pas les manger. Les boissons qui sont bonnes, par ascétisme, pour se rapprocher d'Allah, il ne faut pas les boire. Les vêtements qui sont beaux, pour te rapprocher d'Allah, il ne faut pas les mettre. Ça, c'est étranger à l'islam, ça n'existe pas. Ceux qui ont apporté ça dans l'islam, c'était Soufia. C'est eux qui ont inventé ça dans l'islam, mais c'est étranger à l'islam, et c'est étranger à même à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons. Ses compagnons, on observe que ils ont eu une vie très austère pendant sa vie, parce que ben, c'était comme ça, c'était le destin, ils n'avaient rien d'autre. Et que quand Allah leur a un peu ouvert les richesses, ils en ont profité. Mais, que dit la fin? En évitant deux choses. Min ghayri saraf. Saraf, on peut dire aussi israf en arabe. Sans faire d'excès. La saraf ou l'israf, c'est l'excès. Et le cheikh dont je prends le livre ici, il a fait une belle parenthèse sur la différence entre tabdhir et israf. Et il explique, puisqu'Allah a interdit les deux dans le Coran, tabdhir et israf. Wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Ne faites pas d'excès, Allah n'aime pas ceux qui font des excès. Et sur le tabdhir, il a dit, innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. C'est plus dur. Ceux qui font le tabdhir sont les frères des diables. Et il dit la différence entre les deux, c'est que l'israf, c'est le fait de dépenser ton argent dans ce qui est permis, mais avec excès. Et tabdhir, c'est le fait de le dépenser dans ce qui est interdit. C'est la différence entre les deux. Donc après, comment les traduire? Israf, c'est l'excès, tabdhir, plus ou moins le gâchis, on pourrait dire comme ça. Donc il a interdit l'excès, wal-makhila, wala-makhila. Le makhila, c'est la vanité, l'orgueil. C'est-à-dire que dans ce que tu manges, dans ce que tu bois, dans les aumônes que tu fais et dans les vêtements que tu mets, tu dois éviter l'excès. L'excès, c'est-à-dire de dépasser tes capacités, de manger plus cher que ce que tu ne peux, de sorte à ce que la fin du mois, tu te retrouves sans argent, de manger plus que ce que ton ventre supporte, de manger des choses qui, par exemple, sont considérées comme mukammilat, comme les desserts, les gâteaux, d'en faire excès. C'est pas interdit en soi-même, mais d'en faire, de manger, de grignoter ça toute la journée, de manger que ça. Ça, c'est l'excès. Dans la boisson, c'est la même chose. Dans les vêtements, c'est la même chose. C'est-à-dire de dépenser dans les vêtements au-delà de tes capacités pour montrer, c'est-à-dire par amour des beaux vêtements ou pour se montrer. C'est-à-dire toi, tu as un salaire qui est tant. Quelqu'un qui a tel salaire, il s'habille plus ou moins de telle façon, et toi tu cherches à t'habiller, hein, Hugo Boss, etc. Alors que ce n'est pas dans tes capacités. Si c'est dans tes capacités, est-ce qu'il y a un problème? Ah ouais. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Désolé. Non, mais celui qui roule en Ferrari, par exemple, il y a un problème, même si c'est dans son budget. C'est 1 million de gâchés pour un autre. Bah non, parce que si lui, il y en a 10 de millions, c'est pas du gâchis. C'est quelque chose qui, pour lui, convient à sa à son voilà ça convient à son comment on dit son statut quoi. Mais il faut pas qu'il y ait le mari là, la vanité et l'orgueil. Et parfois que, bon, c'est vrai que souvent ça va être ça, mais ça peut ne pas l'être. Donc en fait, si c'est dans ses capacités, il n'y a pas de mal. Ou alors ça peut être dans tes capacités, mais t'en abuses, c'est-à-dire 3 kamis, j'ai besoin de 2 kamis, on va dire 2 chemises, 2 pulls, j'en achète 5. Ça va, parce que je veux changer. J'en achète 20. Et je le mets une fois tous les ans. Là, ça devient saraf. Ou israf. Ça devient l'excès. Ou alors, parce que c'est la mode, telle basket, je les veux. Là, ça rentre dans l'israf. Si c'est la mode, elle me plaise, vraiment, j'en ai besoin. Et je vais les mettre pendant 1 an. Pas de mal, c'est pas l'israf. Donc, ça, c'est quelque chose de... ça répond un peu à ta question. C'est quelque chose... D'ailleurs, le cheikh l'a bien précisé à la fin. L'israf, l'excès, c'est pas quelque chose, on peut pas dire telle quantité, tel truc. C'est quelque chose qui varie d'une société à l'autre, d'un individu à l'autre. Dans une société, peut-être qu'il y a des pays, ça existe, ou une Ferrari, c'est comme pour nous une 205. Ouais, pour eux, c'est normal. Voilà. Alors que dans certains endroits, tu habites dans le ghetto, tu ramènes une Ferrari, c'est vrai que ça le fait pas. C'est orgueilleux. Mais alors que dans certains endroits, c'est juste considéré comme une voiture de qualité, qui correspond à ton statut, parce que tu es millionnaire, par exemple, dans le halal, il n'y a aucun mal. Donc l'israf, c'est une question de capacité, de besoin, etc. Et dans la nourriture et la boisson, c'est notamment le fait de dépasser, comme on a dit, c'est-à-dire les choses qu'on mange pour se nourrir, puis il y a des choses qu'on mange par plaisir. Ces choses qu'on mange par plaisir, il faut les prendre avec mesure. Comme c'est un peu l'habitude à la fin du repas, au goûter, quand on invite. Mais le fait de toute la journée Parfois, il y en a qui tombent dans ça par. Pourquoi? Parce qu'on est imprégné de la société dans laquelle on a vécu. C'est-à-dire qu'une personne, musulmane, moussalli, tout ça, puis dans la journée, comme ça, télé, pop-corn, cookies, ça, c'est pas le. Ça, c'est l'israf, ça. T'as pas faim, t'as pas besoin de manger. Ces choses-là, tu veux les manger, tu peux, c'est pas interdit. Mais il y en a pour qui c'est quotidien et c'est. Ça ressemble aux Américains, quoi. C'est le mode de vie américain. Et à la fin, et voilà. Et à la fin, c'est la santé qui pâtit également. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien prévenu. Ma mala abnu adama wi'a an sharran min batn. Le pire récipient que l'être humain puisse remplir, c'est son ventre. Parce que derrière, c'est lui qui, c'est sa santé qui va en pâtir. Donc c'est vrai pour la nourriture et c'est vrai pour la boisson, les vêtements, etc. Donc ce qui est demandé à l'être humain, c'est la modération. On pourrait ajouter également une autre qui vient compléter le hadith. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce qu'on appelle libas ou shuhra. Libas ou shuhra. Shuhra, c'est le fait d'être populaire, d'être connu, d'être célèbre. Les vêtements de la célébrité. C'est-à-dire le vêtement qui fait que tu te distingues des autres. Le vêtement qui fait qu'on va te montrer du doigt. Le vêtement qui fait que tu vas être bizarre. Le vêtement qui fait que tu vas te sortir du lot. Tout ça, c'est carrément, c'est haram. Les savants ne disent pas makro. Sur ça, ils disent haram. Genre coloré, tout ça. Ça peut, en fait, c'est pas coloré. Ça peut être la couleur. Ça peut être, par exemple, au Sénégal, porter des couleurs très vives. C'est normal. À Lille, ça l'est moins. À Douai, ça l'est encore moins. À Pécancourt, pour faire plaisir à Ahmed, ça l'est encore moins. Donc ça peut être la couleur, ça peut être le prix. Dans une société où voilà, on met des vêtements à peu près comme ci, comme ça, et toi tu ramènes la méga haut de gamme. Tu te distingues, on te montre. Ça peut être la qualité qui est trop haute ou trop faible. Ça peut être le style. Imaginez-vous que l'imam Ahmed, un jour un de ses élèves, c'était Ibrahim, si je ne me trompe pas, Ibrahim Ishaq, Ibn Hani. Ibn Hani, c'est un des élèves connus. Et il fait partie de ceux qui ont rapporté les avis de l'imam Ahmed. Un jour, il est arrivé chez lui avec un vêtement rayé. Et c'était l'habitude des gens de Mecca et de Médine. Et eux, ils étaient en Irak. Et l'imam Ahmed, il lui a dit, « Eh, Shahada, c'est quoi ça ?» Il lui a dit, « Ne mets pas ça ici. » Il lui dit, « Quand tu seras à la Mecque, tu le mettras. » Il dit, « Mais ici, tu ne mets pas ça. » Parce que les gens ne connaissent pas ça. Donc, ça aussi, c'est une des sagesses de l'islam. C'est que le musulman, il est dans l'équilibre et dans la simplicité. Et donc ça peut être conflictuel, hein. Ça peut être conflictuel au niveau des gens qui habitent là. Bah voilà, c'est ça justement le truc, c'est que d'éviter la honte, d'éviter les conflits, d'éviter les insultes, d'éviter de se faire remarquer, d'éviter un tas de choses. Justement, en tant que musulman, si nous on suit une mode de musulman ou du peuple, mais t'as vu, il y a plein de styles, il y a le rocker, il y a le skater, il y a le mec hip-hop, il y a le mec rejoint, c'est fashion. C'est une bonne question. Que en toi, fait, en tant que musulman, tu dis la majorité des musulmans en France mettent un pantalon à pince avec une chemise, je fais comme eux, ou je choisis le style qui me convient, mais qui est quand même assez répandu chez les gens. Bah en fait, pour répondre à ça, quand les savants contemporains ils sont interrogés sur ça, qu'est-ce qu'ils répondent? En fait, ils répondent ce qu'il y a dans le hadith. Tu t'habilles comme monsieur tout le monde dans ton pays. Mais que dire de nos familles, c'est est-ce qu'on doit être là on va au champ? Bah c'est l'ibas shuhra, moi je vous le dis. Content, tant pis. C'est l'ibas shuhra. C'est déconseillé. Voir si ça peut t'amener un problème du point de vue de ton honneur, du point de vue de ton risque, moyen de gagner ta vie, du point de vue de ta famille. Tu te mets toute la famille à dos. Sachant qu'il n'y a rien dans l'islam qui t'a demandé de mettre un kamis, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien dans l'islam qui te l'a demandé. L'islam, il t'a dit ça. Kul, wa shrab, wa albas, wa tasaddaq, mghiri sarafin. Voilà ma khila. Dans un hadith, le prophète dit qu'il est interdit de ressembler aux kuffar. Les savants ont précisé, c'est-à-dire dans ce qui est propre à eux. Ça répond à ta question. Par exemple, punk, c'est pas une mode, c'est pas un style de ceux qui croient en Allah au jour dernier. Hip-hop, c'est pas un style de ceux qui croient en Allah au jour dernier. Bref, rock'n'roll, etc. Mais à côté de tout ça, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a le style simple. Même dans le style simple, il y a plusieurs styles. Tu peux être sportif, tu peux être pantalon à pince, tu peux être jean, tu peux être... Tout ça c'est. Tout ça c'est simple. Tant que tu as caché ta awra, et tant que. Donc il faut éviter l'excès, il faut éviter les bashoura, et il faut éviter ce qui est propre à ceux qui ne croient pas en Allah aujourd'hui. Les savants ils disent que tu portes ce qu'on parle d'autres pays, mais est-ce que déjà nous on a le droit d'être là, de s'établir là sur le pays ? Là tu vas. Non, mais c'est justement. Non, c'est, non, non, je suis pas d'accord. Ouais. Là tu vas trop loin. Là tu. C'est là au sort du. Ah si, parce que. Ouais, mais tu dis déjà là je suis parti dans l'Ibashour là. Après, on part dans l'Ibas, etc., le Khamis. Déjà, moi je voulais pas arriver jusqu'à ce truc là. Et je vais commencer à parler de partir d'ici. Bizef là. On est parti trop loin. De toute façon, on est là, on est là. Tu es obligé de t'habiller, tu vas pas sortir sans vêtements. Donc, même avant de partir, ou si tu pars ou si tu pars pas, il faut bien t'habiller. Ah, mais est-ce que, non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que les savants, ils ont dit, tu mets ce que les musulmans mettent dans ton pays, ou bien est-ce que les gens mettent dans ton pays? Non, ce que les gens mettent dans ton pays. C'est-à-dire, même si tu vis dans un pays qui n'est pas d'origine islamique ou musulmane. C'est précisé, ça. Oui, c'est précisé, bien sûr. Non, c'est précisé, bien sûr. Il n'y a pas de différence. Il faut comprendre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas changé de vêtements après être devenu prophète. C'est-à-dire qu'Abu Lahab, Abu Jahl, tout ce que vous voulez, il mettait un izar et il mettait le rida. Ou alors il mettait Sarawi et il mettait un qamis. Et il mettait un turban avec parfois le prolong souba. Donc le prophète, il s'habillait comme un arabe. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est devenu prophète, est-ce qu'il a inventé un vêtement pour se différencier d'eux? La réponse est non. Il a émigré à Médine. Est-ce qu'il a dit aux Ansar? Bon, les Ansar qui sont musulmans, parce qu'il y a les Ansar qui sont convertis, et il y a le reste de là où sont les Khazraj qui sont restés dans Shirk. Est-ce qu'il a dit attention, on invente un nouveau style, le style musulman. Style musulman, ça n'existe pas, ça qu'il faut comprendre. La sunna, comme Ibn al-Qayyim il dit, rahimahullah, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de mettre tel vêtement, c'est de mettre ce qu'il y a dans ton pays. Qui est facile, il dit Mataya Sart, ce qui est accessible dans ton pays. C'est ça la sunna. C'est ça la sunna du musulman et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un musulman de Médine, il voyageait au Sham pour faire du commerce et il rencontrait un Qurashi Mushrik, si on voit les deux, il y a une différence? Non. Il n'y a pas de différence. Pourquoi moi je vais faire une différence alors que je suis dans un contexte encore plus difficile et plus dangereux. Donc pour revenir à ta question, moi personnellement, tout ce que je connais et tous ceux que j'ai interrogés, ils m'ont bien précisé, c'était clair pour ici, c'est-à-dire pour un musulman qui vit dans un pays qui n'est pas de base musulman, il s'habille vraiment normal. Comme les Français s'habillent quoi. Non mais si tu mets bien le vêtement, en fait tu mets pas le vêtement pour te différencier. C'est comme tout à l'heure, on parlait pour ceux par vanité. Si tu aimes bien le vêtement parce que c'est une soumission. Parce que c'était la ça veut dire quoi c'est une sunna? C'était l'habit préféré du prophète. Ouais. Tu vas te priver de ça par rapport au regard des gens. Ouais. Parce que le problème, c'est que toi, tu dois regarder plusieurs critères. Regardez ce qu'on vient de dire. Il y a plein de critères. Il y a l'excès. Il y a la vanité. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'ibashoura. Et tashabbuh bil kuffar. Donc il y a plusieurs critères. Donc toi, par exemple, un vêtement, tu l'aimes bien. Donc tu me dis par exemple, parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son vêtement préféré c'était le qamis. Ça c'est clair, c'est écrit dans les hadiths. Mais pourquoi moi le hadith, je vais l'appliquer mieux que le prophète lui-même? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son vêtement préféré c'était le qamis. Mais est-ce que c'était celui qui mettait le plus? Ben non. La plupart du temps il était en izar avec le burda ou avec le rida. Les sahaba ils savaient ça. Est-ce qu'ils se sont forcés à mettre un qamis? C'est ça qu'il faut comprendre. Il savait que le prophète il préférait le qamis, parce qu'en fait, chez les Arabes à l'époque, il faut comprendre qu'il y a deux styles de vêtements. Soit qamis, avec en dessous sarawilet, ce qu'on appelle sirwel. Ou plutôt, on va dire sarawil. Sarawil, c'est un pluriel, mais quand il y en a un, on le dit comme ça, sarawil. Et l'autre style, c'était izar, donc un pagne avec rida, une cape. Les sahaba, en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préférait le khamis, pourquoi ils ont tous pas dit on vire les izar et on vire les rida? Et on s'habille tous en khamis. Donc ils n'ont pas compris de ça qu'il faut faire ça. Donc si toi, de façon naturelle, poussé par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il aime tel vêtement, tu dis par amour, de façon naturelle, je le fais. Ça, c'est, d'accord, c'est respectable. C'est pas recommandé par la religion, mais si c'est ton, entre guillemets, ton truc, c'est respectable. Le problème, il reste maintenant, est-ce que ton truc, il rentre dans les autres critères? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'en fait, on parle du khamis, mais le khamis, c'est connu depuis nos parents, nos grands-parents, ont toujours le khamis, c'est connu. Les Français, ils sont pas en Arlène par ça. C'est pas les belles sur là. Après, ça dépend d'un endroit, là. C'est vrai que ouais, mettre si un khamis à Blanc-Ménil. Tout à l'heure à Pécancour ou bien je sais pas où. Mettre un khamis ouais. à Blanc-Ménil, pour ouais. citer personne, pour viser personne. À Blanc-Ménil, par exemple, un khamis, c'est vrai que ça passe. Non, ça c'est vrai ce que tu ouais. dis. Je suis pas contre. Je dis pas que c'est haram de mettre un khamis. Ouais. Mettre un khamis à Roubaix, pas de problème. Jibril, tu peux témoigner que. Donc je suis pas en train de dire le khamis est haram. Je suis en train de dire que si tu aimes bien mettre le khamis, regarde là où tu vis, à l'époque où tu vis, à l'endroit où tu vis, est-ce qu'il rentre pas dans un autre critère qui fait qu'il va être déconseillé, voire haram. Donc si tu habites à Tours, dans la banlieue de Tours, ben voilà. Tu vas te distinguer, tu vas être bizarre, tu risques même du danger. Tu habites à Roubaix, tu aimes bien le khamis, mais le khamis, il n'y a pas mal. On a pas, je ne suis pas en train de dire le khamis, c'est haram. Je suis en train de vous expliquer que faut pas faire n'importe quoi. Plus ou moins. Ça, ouais. Et qu'il n'y a pas un vêtement qui fait que maintenant je suis dans le din, donc je dois mettre ce vêtement-là. Ça, c'est faux. La religion n'a pas dicté ça. La plus grande preuve à ça, c'est que quand vous lisez les livres de fiqh, ben dans les livres de fiqh, ils vont expliquer les dawabit, c'est-à-dire les critères du vêtement. Ils vont dire par exemple, il faut qu'il cache la hamra, qu'il est déconseillé qu'il soit serré, qu'il est déconseillé qu'il tombe sous la cheville. D'ailleurs, il y a beaucoup de déconseillés, qui ne doit pas être rouge, qui ne doit pas être en soie. Mais ils disent pas, faut mettre tel vêtement. Et là, la différence. Donc, il faut pas se laisser guider par parfois le Hamas, par le comment on dit la provocation. Non, non. Toi, tu es beaucoup dans la provocation, danger. Tu es dangereux, toi. Non, mais aujourd'hui, les vêtements qui font, la plupart du temps, c'est dur de trouver des vêtements. Il n'y a pas. Shalaï dans. Très bien. Bah, tout dépend, encore une fois, ce qu'on appelle shalaï. Il y a beaucoup qui croient qu'il faut que ce soit super large. Il faut que ça cache ta aura, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ta peau. Du nombril jusqu'au genou, il ne faut pas qu'on voit ta peau. Après, serré, il ne faut pas que ça colle complètement. Si ça ne colle pas complètement, il n'y a pas de mal. Il ne faut pas être trop. Ouais, voilà. Bon, on va pas trop. On va essayer de. Je t'ai pas vexé, hein, frère, si je te dis là, quand tu m'as dit, ouais, non, non, partir d'ici. Aussi, tu vois. Partir d'ici, je voulais pas te vexer. Quand je lui dis, ouais, parle non, pas de ça. Veux. C'est parce qu'effectivement, je voulais pas arriver jusqu'à cette question. Ce que tu veux. Après, on va partir. Hijra et tout, je n'ai pas besoin de parler des vêtements, comment je m'habille. Ah ouais, donc, tu m'excuses. Donc, sans excès et sans vanité, sans orgueil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, dans ses vêtements, essayer de ressembler, de s'élever au-dessus des autres. Donc, on a parlé d'excès, de vanité, et on a rajouté pour information des autres hadiths, Shurara et Tashabbuh bil Kuffar, les trucs qui sont propres. Quoique Tashabbuh bil Kuffar, on aurait pu le laisser, mais je vous ai cité ça, c'est pour dire tout citer ensemble, en fait, au même endroit. Mais oui, plus tard, il va en reparler, en fait. Mais aujourd'hui, les vêtements qu'il y a, c'est la plupart. Mais aujourd'hui, les vêtements qu'il y a, c'est la plupart, ils sont Tashabbuh bil Kuffar. Donc, ce qu'ils mettent, la plupart, que ce soit dans les pays musulmans, que ce soit ici. Hein. Si tu vas à Carrefour, oui. T'achètes un pantalon bleu marine. Et t'achètes un pull color V noir et une chemise en mettre en dessous. C'est pas Tashabbuh bil Kuffar. Parce que c'est pas propre à eux. Si quelqu'un il te voit comme ça, tu pars au Pérou. Okay. Et il te voit habillé comme ça, il dit pas ah là parce que t'es habillé comme ça, ah là c'est un café. C'est pas propre, ça distingue pas. C'est, tu vois, ça distingue pas. C'est pour ça que par exemple si tu prends le savant de Nejmed Daima, pourtant eux ils sont en Arabie. En Arabie, ils pourraient être plus durs. Et ils te disent que maintenant, même un costard cravate, tu peux le mettre. Parce que maintenant, c'est plus propre. Il fut une période, peut-être au début du XXe siècle, où c'était propre à eux. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un dans le monde avec ça, c'était propre à, aux chrétiens, aux juifs, etc. Et ils expliquent que maintenant, ça ne l'est plus, donc tu peux le mettre. Donc en fait, encore une fois, ça ne va jamais être le vêtement lui-même. On regarde les critères. Par exemple, si demain, le khamis, il devient propre, au moine et tout, on n'aura pas le droit de le mettre. C'est pas le vêtement lui-même qu'on regarde. On regarde les critères. Tu vois ce que je veux dire? Donc par exemple, comme je te disais, Léon, tu vas à Carrefour, t'achètes un pantalon, un pull, le col en V, une chemise. Il y a pas de, ça, c'est pas tachabour du kofar. Tachabour du kofar, c'est quand ça fait que cette chose, par exemple, je porte une croix. Si je porte une croix, c'est un chrétien. C'est un chrétien qui porte une croix. Je mets deux trucs comme ça, là, les cheveux qui tombent là, sur le côté avec une barbe. Et un chapeau noir. Bah ça, c'est, je sais pas comment on dit, des crocs, je sais pas comment on dit. Ça, quand quelqu'un me voit, il dit, c'est un juif. Mais quand quelqu'un me voit habillé en camoilleux, il dit pas, ça c'est tel truc, il sait pas en fait. Comme à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un, un bédouin, il vient du Najd, il croise un sahabi, il le voit avec l'izar, avec le rida, avec son turban, il dit pas ni c'est un musulman ni c'est un mouchrik, il dit rien, il sait pas. Il y a pas, c'est pas écrit ici. Il va le savoir quand il va parler, il va savoir avec l'adab, il va savoir avec salah, etc., etc. Ou alors parce que le musulman, il évite le vêtement rouge, il évite de faire un nœud, comme à l'époque les mouchriquins faisaient des nœuds dans leur barbe, les musulmans ils le faisaient pas. Il met pas de talisman. À ça, il peut reconnaître les choses qui sont interdites chez les musulmans. Mais le vêtement lui-même, c'est pas... Bref, on passe au hadith suivant. J'avais prévu le hadith... Ah non, j'avais pas prévu le hadith suivant, donc en fait on a terminé. Donc je vous encourage, encore une fois, autant que vous le pouvez, en dehors des coups, lisez autant que vous le pouvez, et surtout vous lisez sur le site alifta.net. Alifta.net, c'est le site de Nejmetouk Da'ima. Et dedans, il y a une case où c'est écrit les fatawas d'Ibn Baz. Vous cliquez français, et vous cliquez les fatawas d'Ibn Baz, et par chapitre, vous avez toutes ces fatawas, et vous lisez. Parfois, vous lirez des choses qui sont contraires à ce qu'on a dit, comme pour l'Isbel. Il n'y a pas de mal. On a dit qu'il y a un khilaf, par exemple. Alifta, A-L-I-F-T-A.net. Pourquoi je vous donne ce livre-là, parce que ce site-là, parce que c'est à la fois simple, accessible, clair. C'est des gens de référence qui parlent, c'est pas n'importe qui. Voilà. Et vous avez accès facilement. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a nous lourdo, c'est écrit. Qu'est-ce qui, c'est quoi le comment je fais le rousse, c'est écrit. Donc je vous dis pas de lire que ça. Mais si quelqu'un il lit ça, eh bien, Inch'Allah, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Il vaut mieux s'occuper de ça que de s'occuper de n'importe quoi. Et mon conseil général, que je dis tout le temps aux gens, c'est de lire beaucoup le Coran. Si je ne sais pas le lire, bah, il faut justement, il faut s'entraîner à le lire, apprendre à le lire correctement, le tajwid. Comme l'imam Ahmed il disait, le musulman ne doit pas lire le Coran en moins, en plus d'un mois. Et l'imam Abbas il disait 40 jours. Un musulman normal, tous les 40 jours, il doit finir le Coran, normalement. Est-ce qu'on le fait ? À côté, ce que je conseille toujours, personnellement, c'est lire la Sira. Lisez le Nectar Cacheté, c'est une référence. Lisez également, au lire le Coran, on essaye de lire beaucoup de hadiths, jusqu'à ce que les hadiths ils deviennent normales. Riyad Salihin. Et à côté, pour apprendre mon dîme également, ben, je lis alifta.net. Et je lis un peu tout dans tous les domaines, et puis voilà. Ça, c'est mon conseil. Au lieu de perdre son temps à des choses qui ne sont pas efficaces et pas profitables. Et aussi d'apprendre l'arabe. Si vous avez des cours d'arabe disponibles, il faut apprendre l'arabe. Parce que tout ça, c'est disponible quand on a l'arabe. Merci à Allah Azza wa Jal, à nous faire plaisir à notre vie. Wa sallallahu alayhi wa sallam, wa taqa, wa al-afafa wa al-ghina, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك